Il y a un mot très utile, c'est todavía. Todavía, qui s'écrit T-O-D-A-V-I-A, avec un accent aigu sur le I. Todavía. Il veut dire encore. Et un peu se dit un poco. Un poco. Un peu. Alors, comment direz-vous encore un peu? Todavía un poco. C'est ça. Todavía un poco. Et donc, encore un peu plus, ça sera... Todavía un poco más. Todavía un poco más. D'accord. Et comment direz-vous, Catherine, je suis encore un peu malade? Estoy todavía un poco. Très bien. Estoy todavía un poco. Je suis encore un peu. Et rappelez-vous que vous êtes enfermé dans votre chambre. Vous êtes malade. Enfermo? Enfermo, si c'est un homme qui parle. Mais vous êtes une femme, donc... Enferma. Enferma, dans votre cas. D'accord. Mm-hmm. Donc, estoy todavía un poco enfermo ou enferma. Alors, todavía, c'est encore. Et pour dire pas encore, on dit todavía non. Pas encore. Et en espagnol, on le place en début de phrase. Donc, pour dire par exemple « je ne sais pas encore », en espagnol, on dit « encore je ne sais pas ». C'est-à-dire « todavía no sé ». C'est ça. « Todavía no sé ». « Encore je ne sais pas ».« Todavía no sé ». « Je ne sais pas encore ». Et comment direz-vous « je ne sais pas encore combien de temps je vais rester ». Encore Todavía. Pardon? Todavía. Todavía. Le V en espagnol se prononce toujours B. Todavía. Donc, todavía no sé. Todavía no sé. Combien de temps? Cuánto tiempo. D'accord. Cuánto tiempo? Je vais rester. Je vais... Voy a quedarme. C'est ça. Todavía no sé cuánto tiempo voy a quedarme.